Mais Sébastien, c'est le troisième match de la journée, dis donc. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a déjà fait 14. Ouais, moi donc. Et moi donc. 1 minute 47 avant la prochaine rencontre. Cette fois-ci, ça sera le Sambé de Mérignac contre les Porcelaines d'Ols de Limoges. Est-ce que, Sébastien, est-ce que tu veux les classements? Allez, vas-y, on voit. Alors, le Sambé de Mérignac est techniquement 3ème. Alors évidemment, c'est sans compter ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que tous les mises à jour à faire, tout ça, je ne les ai pas encore, surtout sur le goal average. Mais le Sambé Mérignac, en tout cas, avant ce week-end, était 3ème en égalité avec Anglet et Bayonne au nombre de matchs joués et gagnés, mais avec un nombre de points inscrits plus important, tandis que les Porcelaines d'Ols de Limoges sont 6ème avec 4 matchs joués et un seul gagné, peut-être 2 aujourd'hui, on ne sait pas, et un goal average de moins 142, donc a priori un avantage pour le Sambé. Qui va devoir quand même cravacher pour pas se faire rattraper ou se faire surprendre par les deux autres équipes avec qui les rivales. Ouais, c'est ça, tout à fait, oui. Et puis en profiter peut-être pour faire du point pour le goal average et gagner un match pour rester au moins dans les troisièmes, vu qu'elles sont ex aequo avec Il y avait une Beaches d'Anglet et contre Nichelle de Bayonne. Voilà. Bon, contre Nichelle de Bayonne, qui sont du coup passés devant, puisqu'elles viennent de gagner le match précédent, mais elles ont un match joué en plus. Voilà. Donc c'est à voir. Et qui ont fait pas mal de points pour la différence au goal average aussi. Ça. Donc là, c'est une occasion pour Sambé de gagner et de prendre beaucoup de points. Il faudrait qu'elle fasse plus de points que ça. Que j'ai oublié. Alors. Que les contrebandistes tout à l'heure. Bayonne en anglais, oui. Que Bayonne, ouais. Ça va commencer dans quelques secondes. Les arbitres rentrent sur le track. Les joueuses vont pas tarder non plus. Et voilà. Une victoire des Porcelaines d'Ols, c'est quand même assez improbable. On sait jamais, cela dit, c'est ça la beauté du sport. Oui, il faut leur laisser quand même le bénéfice du doute. Et rien n'est fait tant que le match n'est pas terminé. Donc on verra ça. Bon, je pense que pareil, la fin de la première mi-temps sera un indicateur pour la suite du match, puisqu'on a vu, on le sait que souvent en seconde mi-temps, il y a un gros changement et ça se plie. Bon, on a eu des surprises aussi avec des beaux hold-up, on en a déjà parlé, hein, des beaux braquages. Mais bon, la première mi-temps, je pense que va nous donner pas mal d'indications pour ce match. Allez, c'est parti avec le premier jam de ce match. Allez, Sambé ou Porcelaine d'Ols. Sugar Rush du côté du Sambé et Miss Yolona des Porcelaines d'Ols. Miss Yolona, donc, qu'on a déjà vu, enfin les Porcelaines d'Ols à l'entière, qu'on a déjà vu ce matin. Donc elles ont déjà en plus un match dans les pattes aujourd'hui, ce qui évidemment ne les avantage pas face au Sambé, pour qui c'est le tout premier match, qui sont donc toutes fraîches. Et Sambé a pris le lead sur ce premier jam déjà, très facilement. Elle est passée. Rush. Mais là par contre, elle passe un peu moins bien, et ça y est. Et Miss Yolona est passé avec un faux star pass. Voilà. C'est Sugar Rush du coup qui fait un boom track. Boom track, c'est très simple. On passe une fois, on prend le lead. On passe une deuxième fois, on met 4 points. Et on fait directement appel pour arrêter le match. Ça nous donne 4 points tranquillou. Et c'est comme ça au final qu'on gagne tranquillou les matchs. Tout à fait, tout à fait. Donc on est parti pour un deuxième jam. Les joueuses sont installées sur le track. C'est parti. Souffle, siffle, j'ai plus de souffle. Et c'est parti. C'est parti. Voilà. Éternelle flamme du côté du Sambé. Machine du côté des Porcelaines d'Ols. Ça se bouscule, ça tombe. Et c'est les Porcelaines d'Ols. Non, pas encore. Si, c'est bon. C'est passé. Il y avait un dernier petit obstacle, mais c'est passé pour Machine. Éternelle flamme. Éternelle flamme, pardon. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Est-ce qu'elles ont tenté un star pass peut-être? Ouais, et du coup, il n'y a plus le casque. Elle n'est pas en prison en tout cas. Non, elle doit l'avoir dans la main. Je ne la vois pas. Et là, je crois qu'elle est là-bas. Elle doit l'avoir dans la main. Voilà. Elle était au tout début de la défense. Ah, et oui, c'est ça, elle l'a dans la main. Et elle est passée. Elle se le remet sur le casque. Et là, Éternelle flamme, voilà. Qui a fait un faux star pass qui a mis du temps à passer. Mais bon, ça n'a pas donné assez de temps apparemment au Sambé. Pour son note, pour marquer des points, j'allais dire en fait c'est 3 points, mais un peu dans la précipitation. Elle a vu la jameuse adverse passer son premier tour et donc elle s'est dit que il fallait coller. Voilà, 3 points seulement. 4-3, c'est le Sambé qui gagne un tout petit point. Ça démarre doucement, hein, ça se chauffe. C'est ça. Les Porcelainos, je rappelle, hein, les Porcelainos qui ont déjà un match dans les pattes. Aussi. Et de ce voilà, matin, voilà, c'est voilà, ça, voilà. C'était le premier match de la journée. C'est ça, multipass qui passe pour le Sambé, ouais. qui prend le lead. Et là-bas, Kiki en face. Rikiki qui n'a pas joué, je crois, ça ne me dit rien sur le tout premier match. Et Rikiki qui a son étoile à la main, ouais. Star Pass qui a été effectué, voilà, pour Porcelain Dolls. Voilà, c'est fait, et qui rattrape du coup, ça passe joli pour Mérignac, et Cole, donc 4 points assurés. Ouais, très joli sur un pied à l'intérieur, avec une belle esquive, c'était pas mal du tout. Et elle a collé, elle se faisait rattraper par le Star Pass des Porcelain Dolls. C'est ça, 8 points donc pour le Sambé sur ce jam-là. 8-0, c'est ce qui fait monter leur score à 12 et toujours 3 pour les Porcelain Dolls de Limoges qui jouent en violet. Le Sambé est en blanc. Si jamais vous voulez voir ce qui se passe, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Ouais. Vous tapez Roller Derby Côte Basque, vous allez tomber sur la chaîne des Valiant Beaches. Et voilà, là, normalement, il y a un direct qui est en train de tourner, donc il suffit ensuite d'aller voir ça, quoi. Ouais. Comme ça, vous mettez ça d'un côté, vous mettez nos commentaires de l'autre, et vous êtes tranquillou. En plus, il commence à faire mauvais, il commence à pleuvoir, donc c'est le moment de rentrer, d'allumer Vidéoproj. Ouais. Ça passe pour la jammeuse de Sambé, qui prend le lead. Voxel, ouais. Voilà. Et ça passe pour la jammeuse de Porcelain Dolls. Et elle a un track de retard, hein. Un tour de retard. Ouais, mais ça passe pas si facilement pour le Sambé. Voilà. Qui s'est fait sortir et qui a collé. Est-ce qu'elle a mis des points quand même? J'ai pas pu voir. Je suis pas sûr. Je ne vois pas l'arbitre qui suit la jammeuse du Sambé. 2 points. Deux points, c'est Punch qui suit le Sambé. Et Paradoc qui suit les Porcelain Dolls. Sambé 15 points, 3 points pour les Porcelain Dolls. Voilà, le Sambé qui prend tranquillement de l'avance, sans trop de risques, sans trop forcer aussi, malheureusement. Sugar Rush qui essaye de s'infiltrer. Ça ne passe pas. C'est la même chose pour Maglific. Maglific non plus, elle n'a pas joué en tant que jammeuse ce matin, en tout cas. Hein. Et ça passe pour la jammeuse de Sambé. Ouais, donc on voit quand même que les Porcelain Dolls ont quand même réfléchi à qui mettre quand, parce que ce matin, Maglific et Rikiki n'étaient pas jammeuses, elles le sont à présent, et je vois Missy Luna qui est bloqueuse alors qu'elle était jammeuse en début de matinée. D'accord. Donc elles essayent d'alterner les jammeuses histoire d'éviter de trop les esquinter. Oui, c'est peut-être aussi pour le... Parce qu'elles ont eu un match dans les pattes ce matin aussi, pour économiser un peu tout le monde. Et peut-être aussi pour... Sachant qu'elles vont rejouer demain encore. Hein, voilà. Les Porcelain Dolls. Et que c'est aussi... certes, c'est un match, mais c'est un entraînement, une occasion de découvrir les autres postes et tout ça, en faisant tourner ces joueuses. Ouais, il me semble quand même que Rikiki et Maglific, qu'elles jouent quand même jammeuse assez souvent. C'est pas une découverte pour elles, je pense. Mais vu que c'est la première fois qu'elles ont deux matchs dans la journée sur le championnat, du coup elles ont dû se dire tiens, on a assez de jammers pour pouvoir faire tourner, donc elles en ont profité. D'accord. Je pense que c'est ça. Ouais, d'accord. Multipass qui prend le lead pour le Summer, qu'elles ont 16 points. Du côté des Porcelain Dolls, 3 points. Je n'ai pas le nom de la jammeuse pour le Sambé. Pour les Porcelain Dolls, pardon, je n'ai pas le nom de jammeuse. Multipass. C'est Multipass ? Ouais, Multipass pour Sambé. Multipass pour Sambé qui a fait son premier passage. Et qui était. Alors, Multipass, elle était pivot. Elle était, il y a eu un Star Pass. Star Pass. On n'avait pas le nom sur l'affichage, c'est dommage. Bon, le Sambé qui prend l'avance. Hein. Pas à coup de 4 points, à coup de 8 points. Elle commence à prendre la confiance. Doucement, tranquillement, mais elle prend l'avance et commence à s'imposer. Bon, c'est ce qu'on attendait, enfin moi je suis pas étonné du tout. Ouais, malheureusement, dès le début du match, je pense qu'elle va en profiter pour peut-être casser le moral des adversaires tout de suite, le Sambé, pour peut-être derrière avoir un peu plus de facilité à aussi engranger des points. Et puis comme ça, le match sera plus facile pour elle, hein. Elles ont pas tort, elles ont un autre match qui les attend demain. Oui, d'ailleurs c'est une des rares équipes avec les Seagulls qui vont jouer 3 matchs ce week-end. Les Porcelain Dolls, oui. Voilà, les Porcelain Dolls. Pas le Sambé, ouais, voilà. Et c'est les deux seules équipes, je crois. Alors, je sais plus comment c'était réparti. Je crois que la dernière fois, il y a eu 10 matchs sur le week-end. Donc, je pense qu'il y a une équipe, 3 équipes qui ont fait 3 matchs dans le week-end. En tout cas, chaque équipe a fait au moins une fois 3 matchs dans le week-end. Voilà. Et les deux autres fois, elle en fait qu'un. Fait que 2, pardon. Voilà. Donc, toutes les chances sont à égalité, quoi. Voilà, oui, oui. Non, c'est bien réparti à chaque fois. Sambé 24 points, Porcelain Dolls 3 points, c'est le Sambé qui prend le lead avec Eternal Flamme. Derrière sa galère, ça passe. Il suffit que je le dise pas. Elle venait d'enlever son étoile pour faire un star pass et finalement elle a vu un passage et elle est passée. Ouais. Elle n'a même pas essayé de donner son étoile. C'est ça. Yep. Alors là, ça a sifflé, je sais pas pourquoi, parce qu'on avait un mur d'arbitre devant nous. Du coup, je n'ai pas vu. Simplement. C'est un call. Un call, je pense. Ouais. Oui, j'ai 2.1, je pense qu'elle a vu son adversaire arriver, qu'elle a collé. Juste quand elle avait 2 points. Et l'autre de chez le Porcelain Dolls a réussi à mettre un petit point. 26 ouais. à 4. Ouais, j'ai pas réussi à voir. Et encore, on repart pour un nouveau jam. Les joueurs sont en place. C'est parti. Avec Sambé qui a 26 points et les Porcelain Dolls 4. Ça nous fait combien, Matine, là ? D'écart ? D'écart, ça fait 16 plus 6, 22. 22, oui. J'aurais pu faire dans l'autre sens, d'ailleurs. Ça aurait été plus simple. Et nous avons une jameuse du Sambé qui est en prison. On part sur un power jam pour les Porcelain Dolls. Peut-être l'occasion de réduire cet écart qui s'est déjà creusé en même pas 10 petites minutes. Il y a aussi une bloqueuse de Porcelain B qui est partie en prison. Ouais. Donc on a deux joueuses en moins sur le track. Mais ça profite pas des masses. Est-ce que Stellaire va réussir à passer et engranger ce qu'il faut de points. Ouais. Ouais, déjà, elle prend le lead. Ouais. Et la jameuse de Sambé revient sur le track. Voilà, est-ce qu'elle va réussir à mettre ses 4 points et à coller, je pense que sa stratégie, elle a encore un tour d'avance. Et elle passe, elle met 4 points. Voilà, la jameuse de Sambé est toujours coincée dans le pack. Elle a son étoile à la main, je pense qu'elle tente un star pass. Mais rien de confirmé pour l'instant. Non, elle passe toujours pas, elle est bloquée. La jameuse de Porcelain Dolls, c'est de retour dans le pack. Là. Ouais, Stellar qui a le lead. C'est à elle de décider quand le jam s'arrête. C'est ça. Même si c'est 2 minutes maximum et qu'on n'en est pas loin, il reste 30 secondes au compteur. Voxel qui a tenté un star pass mais qui se fait recycler. Ouais. Et qui va et en qui prison. Qui va en prison. Qui va en prison, Voxel, jameuse de Sambé qui va en prison. Ouais. Stellar qui va essayer de passer une dernière fois. Peut-être que là, il faut abandonner et essayer de. Ouais, essayer de coller pour commencer en power jam. Ouais. Qu'est-ce que dit la coach? Les coachs ne disent rien. Je vois 3 coachs du côté des Porcelain Dolls. Call, non? Et c'est passé. Elle ne lui dit pas de coller. Ah, ben attention, c'était la fin du temps. C'était la fin du temps, voilà. Bon, ben c'est 8 points de prix, c'est 8 points de prix, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis elle commence en power jam. Donc ouais. On rappelle que le power jam c'est quand une des deux jammeuses est en prison et que donc l'autre équipe est en power jam puisque toute l'équipe du coup va essayer de faire passer leur jammeuse sans se soucier de la jammeuse adverse et donc démarrer en power jam sachant que le plus important dans ce sport c'est d'avoir le lead donc de passer en première pour le premier tour en tout cas ça donne un gros avantage donc et là c'est parti. On va essayer d'aider c'est Monsieur Lona qui revient au jam pour avoir fait un peu de bloc. Et elle prend le lead. Elle prend le lead très très bien. Maintenant, il va falloir essayer de profiter de ce lead pour engranger des points et encore un petit peu faire baisser cet écart. On est à 26 à 12 pour l'instant sur le score général. Et ça passe les 4 points de prix. Missiona, voilà, qui a pris 4 points. Ouais. Et qui est de retour dans le pack. Retour dans le pack de la jameuse de Voxel, de la jameuse du Sambé. On rappelle aussi que l'autre avantage de commencer à Power Jam, c'est que la jameuse qui a déjà fait un jam précédent et qui est sur le banc de touche, en prison, c'est la même qui doit recommencer derrière. Ouais. Donc elle a un jam dans les pattes, le dernier jam dans les pattes avant de devoir recommencer. Ouais, il y a aussi cet avantage là. Ouais, voilà. Et autant au début d'un match, bon, ça peut aller, autant à la fin d'un match, bah, ça peut être difficile. Ouais, c'est clair. Oula, ça chute pas mal. Ça recycle, ouais, c'est pas mal. J'ai pas trop vu ce qui se passait ici. Il y a une star pass qui a été faite du côté de Sambé. Sugar Rush est voilà, passé. Et c'est fini. Et Missilona a mis 8 points. Ou est-ce qu'il y a des points en plus? Est-ce que c'est 8 ou 12 points? Et elle rattrape le score, 24 points pour les Porcendals, 26 pour les Sambé. Ouais. Très très bien joué, deux derniers jams victorieux à 12 points, je crois, les deux derniers jams à 12 points, je crois. Mais c'est bien, ils ont su profiter de ce power jam là. Donc ça fait remonter le score et ça réduit le score à 2 petits points. Alors c'était 26 points, il y a encore 2 jams. Ouais, c'est ça. Donc c'est très très bien joué de la part des Porcendals qui ont réussi à 2 jams de 12 points, ce qui est quand même assez rare d'affilée. Et surtout face au Sambé qui est quand même une très bonne équipe. Et ça passe et pour les Porcendals le ouais, qui reprennent le lead, c'est Machine qui reprend le lead. Machine qui va essayer d'engranger les points, ses 4 premiers points, et donc de passer devant le Sambé. Elle va essayer de passer, de coller, j'imagine. Colle, est-ce qu'elle colle? Oui, elle colle. Évidemment qu'elle colle. Heureusement que elle a regardé la coach avant de lui dire. Ouais, ça assure 4 points, c'est bien. Ouais, ouais. Elle passe et devant. Elle passe devant. Points, 28, ça passe points, devant ouais. 28 points pour le Porcendals, 26 pour le Sambé. Hey, intéressant. Ouais, tout à fait. Intéressant. Ça serait vraiment, vraiment très très bien que les Porcendals continuent sur ce rythme-là. Mais bon, j'ai même peur que le Sambé finisse par se réveiller comme ils l'ont fait tout à l'heure. Elles ont quand même engrangé pas mal de points en peu de temps tout à l'heure, les joueuses du Sambé. Alors soit le Sambé a un petit coup de mou et puis les Porcendals s'en profitent, ou alors c'est que les Porcendals ont mis un petit temps de démarrage. Les Porcendals, tout sourire, la jameuse qui passe en premier en quelques secondes, c'est Rikiki, tout sourire. Et oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Eternal Flame qui a essayé et prison. Ouais, présent, Eternal Flame qui a essayé un star pass et qui, je crois, qui est parti un peu vite. Ouais. Qui est sorti du track. Et il y a deux joueuses en prison, dont la jameuse du Sambé. Allez, peut-être une chance pour le Porcendals de creuser l'écart cette fois-ci à leur avantage. Même si il y avait une belle défense du Sambé, mais ça a quand même fini par passer ouais, pour Rikiki. Ouais. Et mais 4 points donc, 4 points, 4 points pour les Porcendals. Est-ce que Rikiki va pouvoir mettre 4 points de plus et faire monter à 8? En tout cas, Yael bataille bien. En face, ça défend bien. Hein. Ah ouais, ça défend bien, ça passe quand même. Il y a retour de la jameuse du Sambé. On a 8-0 pour l'instant. Le Sambé doit encore faire le passage initial, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est elle ça. Elle vient de le faire. Elle vient de le faire. Allez, une dernière chance pour marquer des points pour Rikiki. Peut-être 4 points de plus. Joli, oh là là, très très bien. Oui. Ouais, bien joué. Pris l'extérieur. Ça défend bien, colle, non ? Elle ne colle pas ? Non, elle colle pas. Ah, elle colle pas. Tiens, je suis étonné qu'elle ne colle pas. Ah ouais. Pourquoi il n'y a plus personne en prison? Je trouve ça étonnant. Non, vous n'avez personne en prison. Non, il n'y a personne en prison. Donc parce qu'elles sont dans une bonne passe. Elles se disent qu'elles sont dans une bonne passe. Et elle veut la jouer au feeling. Ouais. Et elle a raison. Elle la jameuse de Sambé n'est toujours pas passée. Elle est toujours coincée dans le bloc. Mais elle a fait son premier passage, Sambé, non? Elle a fait son premier passage. Là, elle est en train de mettre des points. Mais c'est 4 premiers points. D'accord. Donc dernier passage pour Rikiki avant de coller, peut-être. Elle colle avant de. Elle apparaît ici. 16-4, peut-être 1 ou 2 points de plus. J'ai pas vu là sur ce jam. Je sais pas. Je vois pas. Il y a l'arbitre des Porcendals qui demande conseil à son homologue à l'extérieur du track. 16-4 pour l'instant. Est-ce qu'il y a des points en plus? Peut-être 1, il me semblait, au moins 1. Je t'avoue que j'ai pas regardé de ce côté-là, donc je pourrais pas te dire. Ah, il y a le Sambé qui a demandé un temps mort, 1 minute, donc les équipes ont droit à 1 minute. Voilà, le Sambé qui est en train de prendre un petit peu une petite rousse là. Hein. Ouais, il prend un peu l'eau là. Je pense qu'elle s'attendait pas et que du coup ça. On s'attendait pas à ça. Et que du coup là, la coach va essayer de remotiver ses troupes. 14 points d'écart, c'est pour Porcendals qui sont devant. Même si je crois qu'il y a quand même un problème. Ah, c'est bon, je vois 2 points, je crois, 2 points de plus pour les Porcendals. Voilà, 2 points de plus, 46 à 30. Vous savez bien qu'elle avait passé une ou deux avant de coller quand même. Mais comme c'était le virage c'était opposé, c'était compliqué de voir. Et à noter quand même, elles avaient 22 points de retard, et pas 26 comme vous avez dit tout à l'heure, elles avaient 22 points de retard. Ouais. Et elles les ont repris et elles mettent 16 points de plus. Ouais, ouais, c'est non, mais là vraiment, c'est une très très bonne passe. Mais je crois que les 4 derniers jams, celles qui ont pris le lead, elles ont mis 2 jams à 12 points d'affilée. Un troisième où c'était, je crois que c'était 8. Un quatrième où là c'était 18 à 4. Ouais. Écoute, continue comme ça, pas de doute qu'elles vont gagner. Le problème, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir continuer comme ça. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir tenir sur la longueur. Et comment on va réagir à ça, mais surtout. Voilà aussi. Moi c'est ça que j'attends. C'est pour ça que là, c'était, je pense, le bon moment pour faire un temps mort de la part des coachs de Sambé. Ouais, est-ce que pour recadrer les troupes un peu. Ouais, ouais. Est-ce que le Sambé est pas un peu trop en arrière? Attention. Il va falloir se ressaisir là. Peut-être un peu trop confiant par rapport à. Mais ouais, ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent, hein, de se dire, bon, on est pas face à une équipe pas au monde que nous, on va y aller tranquille. Hein. Et, ouais, et finalement. Là-bas. 46 à 30, les Porcelain Dolls de Limoges devant le Sambé de Mérignac. C'est reparti pour un nouveau jam. On est à la moitié de cette première mi-temps, c'est Sugar Rush. Pour le Sambé, c'est Stellar pour le Porcelain Dolls. Stellar qui prend le lead. Passe, ouais, explosion passe de joie dans les tribunes. Porcelain Dolls qui décidément font un très très beau passage. C'est clair. C'est quoi, 5, peut-être pas 10 dernières minutes, mais je pars pas loin en vrai. Hein. Ouais, ouais, ouais, non, mais les 4-5 derniers jams, là, c'est elles qui ont pris le dessus. Voilà, Stellar qui se fait quand même bloquer par le Sambé, par le numéro 23, qui quasiment toute seule arrive à bloquer Stellar. Cela dit, en face, Sugar Rush, il me semble, n'a pas fait son premier passage. Non, toujours pas, non, elle n'est pas passée. Voilà. Et Stellar qui est pas loin, ouais, mais bon, loin. Ouais, je pense qu'elles sont un petit peu fait enguirlander les bloqueuses du Sambé. Enfin. Oula. Oula, ouais. Jolie chute. Ça y est, Sambé est passé. Et Sambé est passé, Stellar qui colle, je crois qu'il n'y a pas de points. Si, il y a 4 points. Il y a 4 points. Ouais, bah, très bien. Très très bien pour les Porcelain Dolls, mais voilà, on voit que ça y est, le Sambé retrouve un petit peu ses marques. Je pense qu'elles sont un petit peu faites en guirlandais ou peut-être juste remotivées, genre, je ne sais pas comment ça se passe chez elles. En tout cas, j'ai l'impression que la défense était quand même un peu plus sur le qui-vive que tout à l'heure. Ouais, c'était un peu plus solide. 20 points d'avance pour les Porcelain Dolls, c'est assez inattendu. Et écoute, c'est moi clair. J'aime bien quand c'est inattendu. Ouais, ouais, voilà. On va voir si ça tient sur la longueur. Encore une fois, je vous rappelle qu'avant ce week-end-là, le Sambé est 3e sur le tableau de score et les Porcelain Dolls sont 6e, avec quand même pas mal d'écart au niveau des victoires, etc. Et donc, on donnait en tout cas le Sambé victorieux. Est-ce que ça sera vraiment le cas? Peut-être que les Porcelain Dolls vont créer la surprise. J'espère, j'aime bien quand les gens créent la surprise. Ouais, ouais. Est-ce qu'on vous aurait menti du coup? Ça fait toujours des bons films, de toute façon. Ouais, et puis c'est plus intéressant aussi que quand ça se passe comme on l'imagine. Prédit, ouais. Et ça passe pour la c'est, tameuse des c'est Porcelain Dolls. Pour le Porcelain Dolls qui prend c'est le lead. Ouais, là, elles sont très très bien, les Porcelain Dolls. Ouais, là, elles sont bien, ouais. Et c'est, le plus étonnant encore, c'est que malgré leurs 50 points d'avance, j'ai l'impression que le garde la tête froide. Ouais, alors j'ai l'impression que Sambé veut faire un star pass, mais ça ne fonctionne pas du tout. Porcelain Dolls qui joue très bien, elle garde la tête froide, le fait d'être passé devant ne les a pas. Très jolie machine, très, très doucement, c'était presque glissé sur l'eau, là, sur un petit pied. Machine qui prend 4 points, 4 points ou 4 points de plus ? Non, juste 4 points, je crois. Ouais, les 4 premiers points, je crois. 4 à 0, le Sambé n'a toujours pas fait son passage initial. Allez, toujours pas. Est-ce que Machine va réussir à enclencher 8 points? Tant que le Sambé n'a pas fait son passage initial, de toute façon, aucune raison de ne pas continuer. Elles sont sur une très très bonne lancée, autant jusqu'au bout. Non, mais là c'est impressionnant. Alors, on dirait que les Porcelain Dolls, comme un bon gros vieux diesel, tu vois, ils ont mis le temps à chauffer. Ouais. Et ça y est, là le moteur est à bonne température. Là, elles sont bien. Et ça roule, quoi. Là, elles sont très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ma machine commence à fatiguer, j'ai l'impression. Ça fait plus d'une minute. Quel est sur le jam, peut-être qu'il commence à fatiguer. Ça y est, le l'ouragan a pris l'étoile après un star pass. Enfin. Allez, est-ce que la machine va coller? Est-ce que la machine va coller? Ah, voilà, elle colle. Elle a vu, heureusement, elle a vu son adversaire arriver, elle a collé au bon moment. Elle a mis 2 points de plus. 2 points de plus, bon, bah écoute. 6-0, c'était une grosse bataille pour ces deux petits points, mais bon, c'est toujours ça de pris. J'espère que ça l'a pas trop fatigué. 56 à 30, c'est Porcelain Dolls qui prennent tranquillement leur avance. Écoute, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'on est en train de voir un outsider éclater le favori? Elles ont l'air en sous-effectif, Sambé, parce que je vois une bloqueuse, la Renette, elle enchaîne son 3e jam en défense. Son 3e jam, t'es sûr? Ouais. Ah ouais, alors peut-être que sont. Et attends, je regarde le banc, en fait, elles sont pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles soient si bien quoi ça. Il y en a 8 sur le banc, peut-être 8, 9. Peut-être que c'est une stratégie aussi de leur part d'essayer de. Je sais pas, c'est assez inhabituel de. Ben ouais. De 2 d'affilée, pourquoi pas. 3 d'affilée, c'est extrêmement rare. Sacré vol plané de la jameuse de Sambé là. Multipass, Et ça passe pour la jameuse de porcelaine. Voilà, multipass d'ailleurs, qu'il me semble qu'on n'a pas vu encore au jam. Du côté du Sambé, il me semble pas. Ouh, oh là, elle a pris un sacré tampon sur la hanche là. Tombée sur la hanche. Elle avait le lead, multipass du Sambé. Elle a arrêté le jeu. Est-ce qu'il y a eu des points? Pas de points. Pas de points pour aucune des deux équipes. Ah là là, là dis donc. Il y a 10 minutes, je disais que c'était mal parti pour. Que c'était mal engagé pour les Porcelain Dolls. Ouais, et là. 10 minutes plus tard, finalement, à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps, c'est le Sambé qui est mal engagé. Elles nous ont fait mentir. Ils nous ont fait mentir, tant mieux, j'aime bien quand on fait mentir. 56 à 32, les Porcelain Dolls ont quoi, 24 points d'avance. Allez, c'est parti. Est-ce que les Porcelain Dolls, bah, c'est ça la question, est-ce qu'elles vont réussir à rester sur cette belle lancée? Là, ça défend bien là, de côté pour l'instant, ça passe pas du tout. Mais c'est ce qui pêchait, j'ai l'impression aussi, du côté du Sambé. Et ça passe pour Porcelain Dolls. Très très bien, elles ont. Ça fait. Aussi, le dernier jam, c'est le Sambé qui a eu le lead, mais c'était une exception. Hein. Alors, il y a un Star Pass qui a été effectué du côté de. Ouais. Du Sambé. Sambé, c'est Pixel qui a tenté un Star Pass. Qui a bien récupéré l'étoile. Voilà, et ça passe. Et ça passe aussi pour la jameuse de Porcelain Dolls qui prend 4 points. Très très bien, pas de risque. Voilà. Je pense qu'elle a raison. On est à 28 points d'écart. Enfin, là, il va falloir un très très gros jam de la part du Sambé pour attraper ça. Ou deux moyens. Et partir de. C'est possible, c'est possible. Je ne serais pas étonné de voir deux beaux jams à très courte distance de la part du Sambé en vérité. Mais pour l'instant, les Porcelain Dolls sont devant. Ouais, elles partaient avec 22 points de retard et elles ont 28 points d'avance. Ouais, là c'est vraiment très joli. Très joli. Franchement, belle surprise. Donc continuez comme ça à nous surprendre, les filles. Ça nous fait de l'animation, c'est chouette. 60 à 32, machine pour les Porcelain Dolls, Sugar Rush pour le Sambé. Une des joueuses violettes va en prison, elle rejoint sa coéquipière en prison. Elle retrouve un peu d'équilibre, pas complètement. 4 à 4 contre 5. Sugar Rush qui essaye de passer. Ça y est, elle prend enfin le lead. Ça faisait un moment qu'il n'y a pas eu de lead comme ça. Heureusement, Machine est juste derrière. Machine qui essaye d'accélérer pour pousser Sugar Rush à couler avant d'arriver dans le bloc. C'est coéquipière qui recule aussi pour que Sugar Rush ait le temps de rattraper. Que Machine ait le temps de rattraper Sugar Rush. Très bien joué. T'as vu ça? Ouais. Très très bien joué. Elles ont obligé toute l'équipe, pas seulement la jameuse, toute l'équipe a obligé la jameuse du Sambi qui avait le lead à coller. C'est très bien joué. C'est la même technique d'ailleurs que sur le match précédent. Tarb l'a fait deux fois, je crois, sur le match précédent. Ouais, on l'a vu. Technique qui marche quoi. Elles vont assez vite. Pour que ce soit vraiment, vraiment difficile pour la jameuse de les dépasser, mais pas assez vite pour distancer leur propre jameuse. Et du coup, leur jameuse rattrape la jameuse adverse et elle l'oblige à faire appel. Aucun point de gagné des deux côtés, ce qui est un avantage pour l'instant pour le Porcelain Dolls. Alors, ça passe. Oh là, très bien, magnifique, très joli. Qui passe assez vite. Ouais. Elle est suivie derrière par Multipass. Avec un demi-track de retard. Elle va tenter un boom track, je pense. Ouais. Elle va tenter un boom track, quelques points. Dehors, extérieur, intérieur. Elle colle. Ouais, 3 points, je pense qu'elle prend. 3 points, je pense. Est-ce que en face, il n'y a pas un petit point? 2-1. 2-1, voilà. 2 pour les Porcelain Dolls, 1 pour le Sambé. 62 à 33. C'est la Harley. 62 à 33, les Porcelain Dolls toujours devant à 29 points d'écart. Il reste 7 minutes et ça fait un petit moment qu'elles sont devant les Porcelain Dolls et qu'elles tiennent bon. Ouais, c'est clair, c'est une belle surprise. Ouais, mais attention, souvent ça se joue aussi les écarts de points. Je trouve que souvent, en fin de première période, il y a quand même pas mal de points qui sont mis d'un côté ou de l'autre. Soit un écart qui s'intensifie, soit un changement à la dernière minute de l'équipe devant. Donc attention, là en quelques jams, ça peut être rattrapé et dépassé par le Sambé. Voilà, il faut que la Porcelain Dolls reste solide si elles veulent garder leur écart. Oui, et que le Sambé se réveille. Sambé d'ailleurs, il y a une bloqueuse du Sambé qui est en prison. Ouais. Les Porcelain Dolls sont au complet. Alors si vous entendiez un doux ronron, c'est qu'une Harley Davidson a démarré derrière notre cabine de speak. Ouais. Nous on l'entendait bien. Apparemment il faut longtemps pour faire chauffer le moteur. Ouais. 62 à 33, c'est les Porcelain Dolls de 20. Quand est-ce qu'ils vont commencer? C'est parti, pas parti, c'est parti, c'est pas parti. Allez, on y va. C'est parti. Stellaire et Eternal Flamme, sont au coude à coude. Qui est-ce qui va passer en premier? On rappelle que le plus important sur ce jeu, c'est de prendre le lead. Et donc de passer la première des deux joueuses qui passe pour la première fois les adversaires prend le lead. Et c'est elle qui ensuite pourra arrêter le jump quand elle le veut. C'est un énorme avantage. C'est ce qui a permis au Porcelain Dolls de gagner pour l'instant. Le Sambé passe. Eternal Flamme passe devant. Alors que du côté des Porcelain Dolls, Stellaire n'est toujours pas passé. Non, et puis ça défend mieux là, j'ai l'impression, pour Sambé. Voilà, Limoges qui a bien recyclé la jameuse adverse. Alors il y a un star pass du côté de Limoges et ça passe. Effectivement. Voilà. Ah, il y a une faute. Ah non, il y a une faute prison. Il y a une faute prison et donc on est sur un power jam du coup, j'imagine, puisque ouais. Celle qui avait récupéré l'étoile va en prison. Aïe, attention, parce que c'est le moment pour le Samé de se réveiller et de réduire cet écart. Et pour pas laisser les Porcelain Dolls trop confiantes. Ouais, mais elles prennent que 3 points. Ça c'est beau, ça, voilà, une petite percussion entre deux joueuses d'équipe adverse, mais qui se font une accolade. Voilà, ça c'est beau à voir, ça. C'est pas au rugby qu'on verrait ça, hein. Ah non. Hein, Michente. 62 à 36, 3 points de plus pour le Sambé qui réduit l'écart. On est à un peu plus de 5 minutes de la fin de ce match. Je l'aime bien. On voit les Monkey Trackers qui rentrent sur le terrain pour réparer un petit peu le track. Voilà, on rappelle que c'est délimité par une ficelle qui a été scotchée. La ficelle est là pour que les joueuses puissent le sentir quand elles dépassent le track. Et sauf qu'évidemment, avec les patins, ça défonce un petit peu le scotch. Et donc, ça vient réparer ça de temps en temps. Ouais, pour mettre un petit coup de temps en temps. 5 minutes 34 au compteur de cette première mi-temps. Les Porcelain Dolls sont devant avec un écart, j'ai pas envie de dire confortable, parce qu'effectivement c'est quand même pas mal. On est combien à 62, blablabla, 26 points. 26 points d'écart. Ouais. Mais 26 points d'écart au leur derby, ça peut être vite rattrapé. Hein. Ouais, voilà, je vous rappelle que les Porcelain Dolls sont 6e au classement, le Sambé 3e au classement. Ça c'était au début du week-end. Je ne prends pas en compte les matchs qui ont été joués pour l'instant. Mais bon, voilà, on donnait le Sambé gagnant assez facilement, un peu comme sur le match précédent finalement. Ouais. Le contre-amande digital était de les gagnantes et effectivement elles ont gagné avec quand même un sacré écart. Là c'est une belle surprise. Les Porcelain Dolls qui étaient données perdantes sont devant avec 62 points, le Sambé à 36 points. Voilà, le Sambé de Mérignac, les Porcelain Dolls de Porcelaine de Limoges. Voilà, Limoges, celle était facile. J'ai eu un trou là. Elle était facile celle-là. Ça crie dans les gradins, ça encourage leurs équipes. C'est vrai que oula, j'avais pas vu ça, mais en prison nous avons deux joueuses des Porcelain Dolls, dont la jameuse. Ça c'est un mal tempo, comme on dit, pour les Porcelain Dolls. Sambé va certainement profiter. Ce que sont en train de mettre les deux équipes sont en train de discuter entre elles, de rigoler. Pas de tactique particulière apparemment mise en place pour ce cas particulier, parce que là c'est le moment pour le Sambé de faire un gros coup. Ouais, avec ce power jam, si là c'est l'occasion. Si elles veulent réduire l'écart, au moins réduire l'écart avant la mi-temps. Et c'est Sugar Rush qui part très très vite, qui essaie de se faufiler à droite, à gauche. Non. Voilà, elle essaye, fait des feintes, ouais, ça passe. Et elle passe grâce à l'aide. Joli travail d'équipe avec ses bloqueuses. C'est Pierre qui lui a ouvert la voie. Sugar Rush donc qui prend le lead. Heureusement pour les Porcelain Dolls, elle a mis un peu de temps. Ça défend très très bien. Gros recyclage. Ça recule. Voilà, le numéro 16 des Porcelain Dolls qui recule, c'est Rikiki. Non, c'est Kikiki. C'est qui le numéro 16, je regarde, mais qui recule en tout cas pour Seri Kiki, oui. Alors toutes les joueuses de Porcelain Dolls sont sorties de prison, tout le monde est de retour. Ah, et une joueuse de Sambé qui est partie en prison, c'est la pivot. Et donc du coup, ça veut dire que voilà, il y a eu un star pass pour les Porcelain Dolls. Star pass avec une belle vrille. Donc on n'est plus du tout en power jam. Très là. Très joli. Voilà. On est à 8 à 0 pour le Sambé. Voilà, ils sont en train de réduire l'écart. Mais le Sambé s'énerve un petit peu et deux joueuses sont en prison. Ça colle juste avant, je crois, que les Porcendos n'engrangent 2 points. 12 points pour le Sambé, 0 pour les Porcendos. Ça réduit l'écart à 14 points. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part de la part. Ah non, 8 points. Ouais, 8 points. 8 points, donc ça réduit l'écart à combien 12 plus 6, ça fait 16, 18 points. 18 points 18 points. 18 points d'écart entre les deux équipes. Les Porcendos sont toujours devant, à moins de 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Et hop. Et voilà, deux joueuses blanches et ça Sam passe pour Sambé. Mais c'est le Sam qui passe quand même. Qui prend un multipass, qui prend le lead. Ouais, est-ce que c'est la fin de la belle épopée Des Porcendos ça y ressemble en tout cas. Ouais, et ça multipass, passe voilà, en moins de 20 secondes qui a déjà mis 4 points. Et ça passe aussi pour la jammeuse des Porcelendols. C'est Machine qui a fait un faux star pass. Est-ce qu'elle va obliger Multipass à coller peut-être? Non, Machine. Ah si, si, elle a collé à la fin. Elle a collé combien? Ouais. 4 et 2 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, 3 et 2, je crois. Ouais, 3 et 3. Sur ce tour-là, ce qui fait un total. Non, 3 et 2. Donc 7. 7 et 2 au total. Ah, l'arbitre montre 3 pourtant. Mais 7 et 2 sur le jam. 64 points au total pour les Porcendols. Le Sambé à 51. L'écart se réduit. Attention, il reste 3 minutes sur cette première mi-temps. Largement de quoi inverser la tendance pour le Sambé. Est-ce que les Porcendols vont essayer de. Ouais, elles ont un peu baissé le niveau. Elles ont été dans une très bonne passe pendant 10 minutes. Jusqu'à 15 minutes même. C'est un peu plus difficile. Là, le Sambé fait mieux. Le Sambé prend plus le lead en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a eu un temps mort demandé par les coachs de Porcelendols. Ouais, exactement. Team timeout, effectivement. Pour essayer de se remotiver, certainement. Ouais, c'est voilà. Bien parti. C'est dommage, là, elles ont un peu moins joué ces dernières minutes. Elles sont toujours devant, mais l'écart se resserre. On rappelle que quand même les favorites restent le Sambé, qui sont 3e sur 8 au classement, contre 6e sur 8 pour les Porcelendols. Personne n'est en prison, on va reprendre. 64 à 51, les Porcelendols sont devant. Les Porcelendols de Limoges contre le Sambé de Mérignac. Est-ce que c'est reparti? Non, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que ça ferait pas l'affaire de nos Valiants que le Sambé perde ce match? Bien sûr que ça ferait la 20, bien sûr. Ça ferait passer je dis 20 devant, non, ça leur donnerait peut-être l'avantage. Le Sambé a calculé, je pense, qu'il gagnerait ce match. Si c'est pas le cas, ça fout un coup dur. Oui, voilà. Elles peuvent peut-être rester 3e, mais 3e sur les 3 ou 4e du coup. Ouais. Voilà. De toute façon, tout se jouera à la fin de ce week-end, hein, parce qu'il faut attendre que tout le monde ait joué tous ses matchs pour avoir le classement définitif. C'est ça, et puis le comptage des points, etc. Voilà. Pour les égalités de match. Voilà, c'est reparti pour un nouveau jam là. Ça défend bien. Du côté des Porcelendols. Ça a du mal à passer. Ouais, ça a du mal à passer pour Sambé. Rikiki est bloqué par la bloqueuse adverse. Ouais. Sugar Rush qui pousse. Ouais, elle pousse. Elle est seule à pousser trois bloqueuses des Porcelendols. Ouais. Voilà. Mais elle finit par passer. Oui, elle finit par passer. Ouais. Mais Sugar Rush. À grand coup d'épaule. Hein. Ouais. Après, pas loin de 40 secondes de bataille. Ouais. Aïe. Les Porcelendols qui se font recycler, je crois. Ouais. Ouh là là là, la jammeuse des Porcelendols qui a l'air vraiment épuisée. 4 points pour Sugar Rush pendant ce temps. C'est compliqué pour les Porcelendols de garder le haut niveau qu'elles avaient, hein, et malheureusement. Ça passe enfin. Oula. Ça passe enfin pour les pour la jammeuse des Porcelendols, Rikiki. Voilà, alors que Sugar Rush, a collé après avoir mis 4 points. Ah ouais, elle a collé, j'ai pas vu, je croyais qu'elle partait en prison. Non, elle a collé. Il me semble pas qu'elle aille en prison. Qu'elle y allait. Ouais, je pense qu'elle est pas là un peu fatiguée, tu vois, elle avance juste plus ou moins vers son banc. 64 à 57, on est maintenant à seulement 7 points d'écart. Ouais. Parce que il y a eu 6 points pour le Sambé sur ce dernier jam, 0 pour les Porcelendols. L'écart se réduit 1 minute, 13. Peut-être, peut-être le dernier jam, peut-être celui qui va faire passer le Sam B devant, peut-être celui qui va permettre aux Porcelain Dolls de finir cette première mi-temps devant. En tout cas, ça bataille sec. Les Porcelain Dolls ne vont pas laisser passer. Ça passe. Est-ce que ça passe, ça passe. Choix au bout d'un moment. Porcelain Dolls. La bloqueuse devait s'arrêter hein, parce que elle s'éloignait trop de son pack. Elle a pas le droit d'aller trop loin, effectivement. Voilà. Mais elle a tenté le dernier coup. Ça n'a pas marché. Voilà. Stellaire qui a donc Lulith qui va essayer d'engranger 4 points. Ça passe pas. Non. De l'autre côté, Voxel n'est toujours pas passé, je crois. Je l'ai pas vu passer. Non. Confirmé. C'est ça, elle ne passe pas. Stellaire qui bataille contre une seule jam, une seule bloqueuse. Ça y est, elle passe. 4 points. Voilà, il y a la prison là. Il y a trois joueurs en prison. Une de Limoges, deux du Sam. Et attention. Oula. Elle est sortie. Voxel a été recyclée. Pendant ce temps, chez les Porcelain Dolls, Stellaire continue. Est-ce qu'elle va essayer d'attendre que le match soit fini, enfin la mi-temps soit terminée pour avant de faire un call, parce que finalement, tant que le jam en question n'est pas terminé, la mi-temps n'est pas terminée. Voilà, c'est ça. Et elle passe, mais 4 points de plus. Elle passe. Voxel est passé ou pas? Non, toujours pas. Toujours pas. Bah, elle va essayer. On a 8, elle va essayer de. Elle a fait un star pass. Le star pass est passé. Bon, elle va tenter un dernier coup, je pense, Stellaire, pour marquer quelques autres points et coller direct. Colle. Oh, elle s'est fait recycler. Elle colle par terre. Elle a chuté en avant, j'ai vu la tête bouger. Ouais, 3 points. J'espère que ça va. J'ai l'impression que ça va. Je crois qu'elle est tombée sur ses protections quand même, sur les coudes. Chaîne impression. 11 points pour les Porcelain Dolls. 0 pour le Sam B. Très, très, très, très, très bien pour finir cette mi-temps. C'est pour clair. Les Porcelain Dolls qui prennent du coup de l'avance avant de finir la mi-temps. Un petit peu de large, ouais, effectivement. Finalement, c'est elles qui ont mené le plus, j'ai l'impression. Là, elles ont 18 points d'écart. Bon, elles avaient mieux pendant la. En cours de cette première période, mais là, c'est bien pour finir. Plus, quoi. C'était quoi le mieux 22 à un moment donné. 25, peut-être pas autant. Ouais, 22-26 à un moment donné. C'est pas mal, 75 à 57. On est à 18. C'est ça, 18. 18 points d'écart pour les Porcelain Dolls, que quand on est perdante au début, écoute, une bonne surprise. Ouais, c'est clair. Une bonne surprise, tant mieux, on va voir. Est-ce que le Sam B va se reprendre en deuxième mi-temps? Est-ce que les Porcelain Dolls vont s'écrouler? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être l'inverse? Est-ce que les Porcelain Dolls continuent? Est-ce que le Sam B va commencer à faire n'importe quoi sous la pression? Je sais pas. On verra. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes, Seb. Ouais, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Nos cultures, votre radio. Et on est parti pour une deuxième mi-temps sur ce match étonnant, n'est-ce pas, Seb? Ouais, très étonnant. Ouais. Effectivement, on s'attendait à ce que Sam B domine très largement ce match et cette première mi-temps. Et puis, en fait, Porcelain Dolls ont repris la main. Ouais, c'est ça, à partir de. Quoi, bah, après 10 minutes à peu près, ils ont commencé à vraiment gagner tous les leads à mettre. Ouais. Et en plus, pas à coup de 4 points, hein, plutôt à coup de 8, 12 points. Ouais, voilà. Et ils ont pris de l'avance. Elles sont fait rattraper un petit peu en fin de première mi-temps, avant le tout dernier jam, où finalement elles ont quand même réussi. Combien? Ils ont mis 12 points sur le dernier jam. 11 points. C'est encore marqué au tableau là, tu vois. Effectivement. 11 points. Ce qui fait qu'elles ont terminé Porcelain Dolls devant avec 75 points et 57 pour l'instant pour le Sam. On rappelle qu'on donnait le Sam gagnant, puisque c'est une équipe déjà plutôt balèze. Ouais, qui est 3e du classement. C'est ça. Alors que Limoges est 6e. Écoute, j'espère une surprise parce que j'aime bien les surprises. Eh bien, on va voir parce que ça reprend le premier jam de ce deuxième mi-temps vient de démarrer. Ça, c'est Sugar Rush pour le Sam B et Machine pour les Porcelain Dolls. Voilà, on va voir ce début de deuxième mi-temps qui va prendre l'avantage. On va voir si c'est passé beaucoup de choses ou pas du tout beaucoup de choses pendant la mi-temps. Sugar Rush qui a mis un coup d'épaule énorme. Il y a eu un vol plané. Oh là là, colossal coup d'épaule de Sugar Rush qui pourtant même gabarit en passant, ça a volé. Wow, là impressionnant. Colossal. Alors il y a un star pass qui a été fait du côté de Limoges. C'est ça. Oh là là, Sugar Rush, elle est déterre, elle a le visage fermé, les lèvres blanches, et là en mode... Ah ouais, là c'est bon, on a arrêté de déconner quoi. La première mi-temps c'était sympa, là je crois qu'elles ont arrêté de déconner. Ouais. Sugar Rush, elle a mis un vol. J'ai rarement vu un coup d'épaule aussi bien placé dans ma longue carrière de commentateur sportif. Alors ouais, là c'était c'est pareil, ce vol. et donc derrière un boom track, un très joli boom track, donc de Sam qui prend l'avantage, peut-être même l'avantage psychologique, c'est continue comme ça. Parce que voilà, pour l'instant ils ont mis 4 points sur ce jam 0 pour les Porcelain Dolls. Les Porcelain Dolls sont toujours devant, hein, de 14 points. Certes, mais 14 points c'est pas grand chose en roller derby. Ah non, ouais, un jam ça peut être vite plié, rattrapé, donc attention à Limoges là, il faut que si elles veulent garder leur avantage là, qu'elles fassent mieux que ce qu'elles ont fait en fin de mi-temps. Ouais, parce que le Sambé risque vraiment de faire beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait tout à l'heure. Ah oui, là elles ont l'air, je pense que le coach il leur a dit à la mi-temps, on n'est pas là pour être ici. Et il a dû remettre les pendules à l'heure et ça s'est vu juste avec l'attitude de Sugar Rush. Waouh. Qui était pas là pour déconner. Non. Là, c'était vraiment un visage de quelqu'un qui a envie de gagner. Ah ouais, déterminé. Ah ouais, c'était impressionnant. Plein d'énergie. Allez, c'est reparti pour un deuxième jam sur cette deuxième mi-temps. 75 pour le Porcelain Dolls, 61 pour le Sam B. Et c'est parti, ouais. C'est Stellar qui essaie de passer. Est-ce qu'elle va finir par passer? Elle est pas loin. Elle est pas loin, ouais. De l'autre côté. Ça défend bien Sambé, où ça arrive vite. Ouh, ça passe, extraordinaire. Sambé. Éternelle flamme qui est vraiment de doigts tombés tellement va vite. Hein, ouais. Vraiment, c'était pas vraiment hyper assuré. Mais elle est passée. Je pense que là, que le coach leur a dit, on s'en fout, vous donnez tout ce que vous avez. Ouais. On arrête de déconner. Et vous défoncez tout ce qui se passe. Attention, cela dit, si elle défonce un peu trop, ça risque de la prison. Alors, il y a un star pass pour les Porcelain Dolls et Sam Bebe qui a collé après avoir pris ses 4 points. Voilà. Ouais. Ben là, je pense que. Moontrack, efficace. Elles vont rattraper un Moontrack tranquille. Ouais, voilà. Et peut-être qu'après, elles vont tenter autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Ben, écoute, ça marche. Hein, 8 points en 2 jabs. C'est ce qu'il faut. Il reste 10 points d'écart. Et puis, ça économise l'énergie aussi, les Boomtrack. Ben, c'est ça, oui. Tu restes moins longtemps sur le track, hop, tu vas te reposer. C'est ça. Tu prends 4 points assurés. Voilà, c'est une bonne stratégie. Ouais, j'ai l'impression quand même que le Sambé a monté le niveau de jeu, la vitesse de jeu surtout. Ouais. Elles sont beaucoup plus agressives. Et c'est passé pour Porcelain Dolls. Ouais, Miss Yolona qui passe, qui va tenter de mettre ses 4 premiers points. Toujours pas de premier passage pour Multipass. Ouf. De l'autre côté. Ouais, qui s'est fait recycler. Qu'est-ce que il y a Multipass qui s'est perdu. Donc elle a perdu du temps là, sur ce coup-là. Non, elle va en prison. Elle va en prison, je crois. Et tu vois, c'est ça aussi le contre-coup. Attention, si elles sont un peu trop agressives, elles risquent d'aller plus en prison. C'est ce qui se passe souvent quand on a envie, qu'on est un peu trop déterminé, on a tendance à être un peu trop agressive. Et les arbitres n'aiment pas forcément ça. Et donc ça va plus facilement en prison. 4 points pour l'instant pour les Porcelain Dolls sur ce jam. Voilà, il y a une bonne défense de Sambé là sur Missiona qui essaie de passer. Voilà. Missiona qui est très grande, hein, qui est très grande par rapport aux adversaires. Mais bon, les adversaires sont 3. Ouais. Elles sont 3 et puis elles ont un centre de gravité plus bas, ce qui peut aider aussi. Il y a la faute de la pivot de Sambé qui part en prison. Ouais, Multipass qui arrive derrière. Voilà, à fond les ballons. Et 8 points pour Porcelain Dolls qui colle et qui s'assure 8 points. Ouais, j'ai l'impression que vraiment le Sambé est en train d'essayer de foutre la pression. Porcelain Dolls peut peut-être les pousser à la faute. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est quand même elles qui font plus de fautes. Mais finalement, parce que. Il y a eu au moins en 3 jams, il y a eu au moins 4 joueuses en prison du côté du Sambé. Et il me semble qu'il n'y a eu personne du côté des Porcelain Dolls. Aucune Limogeoise qui sont parties sur le banc. Là, donc, et Limoges qui a rattrapé les 2 jams de 4 points, de Sambé en 1 jam 8 points. Est-ce que Limoges est en train de faire une belle partie, ça c'est assuré. Ouais. Je peux déjà vous le dire qu'elles ont fait une très belle partie, même si à partir de là c'était n'importe quoi. Et ça passe pour Limoges qui prend le lead. Machine qui prend le lead pour Limoges. Très très bien. Machine qui commence à fatiguer, on voit dans sa façon de patiner. Qui commence un petit peu à tiquer, ça dit Voxel en face ne passe pas. Ouais. Non, ça défend bien. Machine aussi. Qui passe très bien. Voilà. Grâce à ça. Et on a 2 joueuses de Limoges sur le banc maintenant. Une très belle assistance. Sambé, pardon. Sambé, oui. Très belle assistance de la part de Limoges. Star pass de Limoges. Voilà, qui finit par passer, machine encore voilà. À 4 points, on va essayer d'en mettre 4 autres avant de coller. Et j'imagine. Ouais, ouais, voilà, c'est fait, bien, bien. Très, très, très, très bien. Voilà. 8 points de plus. Putain, elles font un sacré match pour Fenders. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, elles ne nous ont pas habitués à ça. Hein. Sambi démarre fort, fait 2-3 boom track à 4 points. Et là, les Porcelainons, elles font 2 tracks à 2 ouais, points. Ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, ping-pong. 91 à 65, les Porcelainons sont devant. Le Sambi doit commencer à avoir le ventre qui se plie. Ouais, ouais. Le ventre qui se tord, qui se dit non, quand même. Elles vont pas perdre ça. Et bien, on va voir, attention, hein, les Porcelainons ont l'air déterre aussi. Ouais. Alors là, j'étais en train de me dire, est-ce que la réaction de Sambi va un peu effrayer les Porcelainons et du coup, elles vont lever le pied. Mais apparemment, non, la réaction, c'est plutôt, ah, nous aussi, on en a la dalle et on va aller le chercher. Et la preuve, là, Porcelainons prennent le lead sur ce nouveau jam. Rikiki qui prend le lead. Ça passe toujours pas du côté de Sambi, là. Bon, ça travaille dur, mais ça ne passe pas. C'est Sugar Rush qui essaye de passer et qui est très, très belle défense. Hein. C'est l'ouragan qui a récupéré l'étoile. Ouais. Et ça passe de l'autre côté, Rikiki qui prend 4 points. Voilà, Rikiki qui prend 4 points. Toujours pas de passage initial pour l'ouragan. Non, toujours pas. Ah, et bien, 4 points de plus peut-être pour Porcelainons. En tout cas, c'est ce qu'elles sont en train d'essayer. Voilà, l'ouragan est toujours aussi. J'aime beaucoup ce match. C'est clair, il y a de l'animation, des surprises. Franchement, ça me réveille, moi, limite. Ah, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Le Sambi qui a commencé cette deuxième période très, très fort. Et finalement, deux jams très, très forts. Et derrière, les Porcelainons ont repris le dessus. Ah, et on est donc, pour leur dire, nous aussi, on est là. Et nous aussi, on a envie de gagner, quoi. Donc, on va rien lâcher. Et là, par contre, ça commence à être dur. Les deux jameuses sont complètement bloquées. Ouais, voilà. Voilà, et on voit Miss Ilona qui recule. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que quand elle sort une jameuse adverse, la jameuse adverse doit reculer jusqu'à derrière la dernière bloqueuse. Donc la bloqueuse elle-même recule jusqu'à un certain point, parce qu'elle peut pas non plus trop reculer, c'est pas légal sinon. Ouais, les fameux 6 mètres d'étalage du pack, quoi. Ouais. Exactement, et du coup elle recule pour faire reculer son adversaire et perdre encore du temps. Les Porcelainons sont en train de se chauffer. Ouais, elles viennent passer Rikiki. Je vois le banc, je sais pas si tu vois le banc, je vois le banc, mais là elles sont tout sourire, elles sont à deux autres. En tout cas, moi je suis de tremble en tout cas. Ouais, parce que Rikiki est passé et a repris 4 points de plus. 8 points en tout. Voilà, donc elle est de retour dans le pack là. Et l'ouragan n'est toujours pas passé une seule fois, hein, d'accord? Non, elle n'est pas passée non. Et c'est fini, et c'est fini. Est-ce qu'elle a mis un point quand même de plus pour Sandals? Alors je sais pas. Je pense pas. 3 points de plus, voilà. Très joli. 11 points, elle creuse sacrément l'écart. 102 à 65. Oh là là là là. 3 jams, elles ont posé le game là. Ah ouais, très très joli. Très joli début de demi-temps pour les Porcelainons. Je pense que le Sambi espérait un peu tout casser au début pour casser la dynamique des Porcelainons. Ben, ça a été tout le contraire finalement. 3 jumps, 27 points, bam. Très très joli la part des Porcelainons, vraiment. C'est impressionnant. Il n'y a pas à dire les outsiders qui battent l'équipe qu'on attend gagner. Ben, ça fait toujours un petit truc. 38 points d'écart là s'il vous plaît, 103 pour les Porcelainons, c'est 64 pour Sambi. Ouais, 30 points d'écart, un seul jam, c'est impossible. Hein. En deux, c'est possible. En deux très gros jams, c'est possible. Ouais, deux gros. Oh, on a vu il y a un mois et demi un beau gros jam à 26 points, je crois, ou un truc comme ça. Donc, mais même voilà, ça c'est absolument exceptionnel et ça suffira pas pour attraper ça. Cela dit, attention, il reste 22 minutes. En 22 minutes, tout peut basculer. Tout peut absolument basculer. Si les Porcelainons nous font le même première mi-temps, on a l'air monter en puissance et après rechuter sur la fin, ça peut leur jouer des tours aussi. Hein. Exactement. Ça dépendra de la continuité, de la régularité de Sam. Mais là depuis 3 jams, Sambi, on les voit plus. Quoi. C'est, ça passe pour Multipass de Sambi. Multipass qui prend le lead. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Un star pass effectué. De l'autre côté, annulé parce que la pivot s'est fait. Et par contre, l'étoile est par terre. Ça y est, c'est ramassé. C'est ramassé. Et ça passe pour Multipass, mais c'est 4 points. Stellar. Voilà, ça se bagarre fort. Hein. Vraiment, ils sont en train de jouer le match du week-end. Il y a des sacrés contacts. Multipass qui tente les 4 points de plus pour arriver à 8. Stellar qui ne passe pas. Multipass à 8 points. Stellar qui n'arrive pas à passer. Très très belle défense de la part du Sam. Ah ouais, là, c'est, on a un match vraiment bien animé. Ça va être compliqué pour Sandol sur ce jam-là. Oh, multipass qui passe encore. Multipass qui est encore. 12 points. Était vraiment. C'était limite. Elle est passée de justesse sur un pied. Vraiment de justesse. Ras du cordeau, là. Ah. Ça y est. Multipass qui a l'air de fatiguer, qui n'arrive plus trop à freiner. Ouais. Heureusement, il y avait le mur pour l'arrêter, mais attention. Voilà. Et aïe. On a déjà vu des accidents avec des retours simplement sur le bord. Oui. Voilà. Les Porcelain Dolls qui commencent avec leur jammeuse en prison. On est donc sur un power jam. Power jam. Start même pour le Sambé. Ouais. Là voilà. C'est le moment de saisir cette occasion pour renverser un petit peu la dynamique et remonter. On va voir. Les Porcelain Dolls, j'imagine qu'elles vont pas se laisser faire. Ah. Mais ce sera peut-être pas suffisant. Ah, ça bloque bien. Si, ça bloque bien quand même du côté des Porcelain Dolls. Est-ce que ce sera suffisant? Et un joli recyclage. Joli recyclage. Là, c'est Eternal Flame qui se fait re-recycler par Missiona. Et grosse chute. Ouais, enfin, c'est toujours impressionnant, mais elles ont des protections. Hein, coudières, genouillères, le casque. Heureusement, elles ont des protections. Ouais. Et hop, c'est parti. Retour. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, non. 30 secondes de prison. Voilà. En power jam, le Sambé n'est pas passé. C'est dire à quel point les Porcelain Dolls ont envie de gagner ce match parce qu'elles ont vraiment la possibilité de le faire. Bah, personne n'est passé, donc c'est comme si on démarrait un jam de zéro là. C'est exactement. Totalement. Exactement. Sauf que Eternal Flame, en plus, la fatigue de plus de à peu près 40 secondes de bataille. Ah ouais, alors que la jammeuse de Porcelain Dolls, elle a fait et elle prend le lead. C'est l'air qui prend le lead. Ouais. Et elle prend le lead, voilà. Ah là, très très joli. Enfin, non, elle vient de prison, donc il n'y a pas de lead. Enfin, elle prend le lead, mais elle ne pourra pas coller. Si, elle prend le lead. Elle perd le lead si elle va en prison, alors qu'elle l'a. Mais si elle revient de prison. Je trouve ça bizarre quand même. Ouais. Donc Stellaire qui prend le lead, qui essaye de marquer ses 4 premiers points. Et non, elle se fait sortir. C'était juste, elle a failli passer. Elle était pas loin. Ça continue, Eternal Flame qui est pas passé non plus, je crois. Ou une fois ? Non. Quoique, je sais plus. Est-ce qu'Eternal Flame est passé ? Non, pas du tout. Il y a que Stellaire qui est passé. Sa bataille dure ! Ouais. Ah, c'est beau à voir. Hein. C'est physique, je pense qu'elles vont laisser des plumes. On va finir le match sur les rotules. Hein. C'est Stellaire qui essaye vraiment, mais ça reste mollement. Quoi. Aïe, un star pass de l'autre côté. Mais ça passe pas. Un star pass, mais ça fait recycler. Ça fait recycler, cela dit, il reste seulement quelques secondes. Donc je pense qu'elle a au moins 3 points, je pense, du côté du Sambé. Ouh, Stellaire qui chute sur les fesses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas sonné? Ça a sonné avec 3, 4, 5 secondes de. Elle est rôtie, elle retard. A tout donné, Stellaire. Stellaire, le coup. Ouais, 4 points pour les Porcelain Dolls. Ouais, 4 points. Combien pour le Sambé? Je ne vois pas l'arbitre. L'arbitre est allé voir ses coéquipiers. Est-ce qu'on peut dire coéquipier pour l'arbitre? C'est une équipe, arbitrage, finalement. Oui, c'est une équipe. On peut dire ses coéquipiers. Ses coéquipiers, ses collègues, ses homologues. Voilà, ses homologues. Et je crois que c'était 0 points, du coup, pour le Sambé. Ouais, il me semble aussi, ouais. Porcelain Dolls. Donc, c'est reparti pour un nouveau jam. Machine qui reprend le lead. Oh là là, très joli de l'autre côté. Ouais. Le Sambé, il était sorti. Et puis, au dernier moment, elle s'est fait tomber. Donc, elle est passée. Elle est passée, mais elle a perdu du temps. Elle a perdu assez de temps pour que Machine puisse peut-être mettre des points, mais évidemment le Sambé fait la technique de l'échapper. Et voilà, ça colle aucun point, je pense. Ouais, voilà. La technique de l'échapper, c'est-à-dire qu'elles vont reculer pour empêcher la jammeuse adverse de les rejoindre et aider leur jammeuse qui est en retard à rattraper la jammeuse adverse. Voilà. Et ça marche, La preuve, elles ont obligé un petit point. Elles ont obligé la jammeuse de Porcelain Dolls à coller. Ouais. J'avais plus le mot. Un petit point quand même. 108 à 77. On a dépassé les 30 points d'écart. 31 points d'écart. C'est très très bien parti pour les Porcelain Dolls. Est-ce qu'elles vont réussir à maintenir ça sur les 17 longues minutes qui restent? Ouais. C'est trop dommage pour Multipass. Multipass, James Blanche de Sambé qui a vraiment sauté, sautillé, tourné sur elle-même pour essayer de ne pas tomber. Et finalement, si. Ouais, parce qu'elle était vraiment. Elle est tombée en dehors du track, mais vraiment, on aurait dit un petit dessin animé. Oui, c'est ça. C'était très drôle. Elle est finalement sortie, donc elle revient derrière. Et pour l'instant, personne n'a encore pris le lead. Ça fait déjà 30 secondes que ça a commencé. C'est long, 30 secondes à pousser. C'est très très lent. Ça déforme bien des deux côtés. C'est solide. Tout le monde est recyclé. Ça repart donc de loin. On part même de plus loin que le début de ce jam. qui et ça passe pour les Porcelain Dolls, Rikiki, qui passe au bout de 50 secondes. Et c'est la fête sur le banc des Porcelain Dolls, c'est incroyable. Rikiki, il est suivi par Multipass de très très près. Ah, la technique de l'échapper de la part du Sambé. Ouais. Et ça colle. Et ça colle, bien. Ça colle. Ah, il y avait ça aussi. Est-ce que tu entends quand on colle le sifflet, qu'est-ce que ça fait? Voilà, et il y avait la question de est-ce qu'on considère que c'est fini au premier tout-tout-tout ou au troisième tout-tout-tout. Ah. Parce que du coup, entre les deux, on peut facilement mettre 1, 2, voire 3 points. Et ouais, c'est clair. Et il y avait cette question-là, et apparemment, ben, selon les arbitres, ça peut changer. Ah bon? Apparemment, c'est ce que me racontait la sœur la dernière fois. C'est que certains considèrent que c'est au premier, d'autres considèrent que c'est au troisième. D'accord. Et du coup, ça peut changer énormément de choses, quoi. On peut facilement gagner 1, 2, 3 points. Ouais, le temps de siffler les 3, tu peux passer une ou deux joueuses. Facilement. D'accord. Ah, moi j'irais au premier coup sifflé, quoi. Ben, je pensais aussi. Et que les deux autres, c'est juste pour confirmer que siffle bien, quoi. C'était bien ça le. Mais apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Certains préfèrent avant, certains préfèrent. C'est pas décrit après. Les 289 pages de règles. Je trouve ça aussi, 87 seulement. 88 depuis qu'on a. Ça fait déjà beaucoup, 88, c'est pour ça que j'en rajoute. Bon, on est reparti pour un nouveau jam, en fait, les amis. Je t'en ai, mais ça bloque toujours. Comme sur le jam précédent, ça défend bien le blocage de partout. Les deux équipes misent tout sur le blocage et ça marche parce que ça fait plus de 40 secondes maintenant que ça bloque, que personne ne passe. Et il y a une bloqueuse de Sam en prison. Ouais. C'est souvent Sam en prison, c'est incroyable. Mais le Sam, je pense qu'il commence un petit peu à paniquer et à tenter des trucs. Elle me fait mentir, évidemment. Du coup, il y a une bloqueuse de porcelaine qui part en prison. Certes, mais en général, c'est quand même plus de blanches que de violets qui vont en prison. Donc, j'ai l'impression que quand même le Sam commence un petit peu à paniquer. Allez, 15 minutes. Il reste 15 minutes. C'est toujours les Porcelain Dolls qui sont devant. Porcelain Dolls qui ont tenté et qui passe elle perd le lead, mais en même temps ça faisait tellement longtemps que personne ne passait qu'elles ont préféré tenter un star pass pas du tout. Il y a un star pass qui avait été tenté de l'autre côté, mais finalement c'est bien la jammeuse qui est passée. On va voir ce que ça donnait. Du coup, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter, donc ça va être celle qui passe le plus. Et c'est Voxel qui prend les 4 points, premiers points. 4 premiers points, ouais. Pastaga reste bloqué. Ça y est, Pastaga passe. Pastaga passe. Il reste 10 secondes. 10 secondes, je pense que Voxel va pouvoir mettre quelques points. Pastaga, non, je pense qu'il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes, je pense que le Sambé recule pour ne pas laisser le temps à la jammeuse de Porcelain Dolls d'engager des points. 8 à 4, le Sambé devant sur ce jam-là, mais au général ça fait 112 à 85, c'est méga chaud dans les gradins, est-ce que tu entends Seb? Ah ouais, non, mais sur dans les gradins, sur le banc des Porcelain Dolls, et même ici, moi d'un coup ça m'a réchauffé. Ça me chauffe. Et puis ça bataille sec, quoi. Ça lâche rien. Les Porcelain Dolls font un très très très beau jeu, je pense que je les ai jamais vus aussi, aussi bien joués. Encore grosse dizaine de minutes, 13 minutes à tenir comme ça, et la victoire devrait assurer. Encore faut-il réussir à tenir autant. Je rappelle qu'elles ont un match dans les pattes déjà. Ça passe pour Maglefic des Porcelain Dolls. Porcelain Dolls qui prennent le lead. Ça tente un star pass de l'autre côté, mais ça se fait recycler. Maglefic, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a essayé de nous faire un petit intérieur sur deux biches retournées. Elle se fait sortir. Ouais. Et mais elle repart aussi sec et elle passe. Sec, elle est passée. J'ai l'impression que son adversaire avait reculé plus que ça. C'est passé quand même. Ouais. Pas de sanction. Les arbitres ont rien dit, ont rien vu. Donc pas vu, pas pris, comme on dit. Mais en attendant, ça fait 4 points. Voilà. Exactement. Donc, on va bien jouer. Alors, ça passe. Ça passe du côté de Sambé, mais ça passe aussi pour Maglefic qui met 4 points de plus. Points, donc, 8-0. Elle regarde sa coach pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle colle? Elle tourne. Parce qu'ils ont une joueuse en prison. Sur le banc. Donc, elle tourne et elle fait la technique, en même temps, la technique de l'échapper. Mais ça n'empêche pas le Sambé de revenir. Voilà. Et elle met 4 points aussi. Cela dit, Maglefic s'insinue, c'est un petit peu le bordel dans le bloc. Donc elle s'insinue sans rien dire. 12 à 4. Voilà, 12 à 4. Elles attendent, en fait, elles attendent la joueuse qui est sur le banc. C'est ça, même si elles ont l'avance, elles préfèrent faire sortir la joueuse qui est sur le banc. Et en fait, elles sont arrivées au fin du temps réglementaire de ce jam et ça finit sur 12 à 4. Et 8 points de plus, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puis elles ont toutes leurs joueuses pour revenir à 5 contre 5 et non pas 4 contre 5, ce qui aurait pu. Ouais, ouais. Ça, et puis bon, je crois qu'au moment où au moment où, où elle pouvait coller, elle était à 4 ou 8 points, donc finalement, ça revient au même. Même si, bon, c'est dangereux, on a déjà vu des équipes faire ça, notamment, mais c'était Pibrac, ouais, qui faisait pas mal ça et qui se faisait beaucoup prendre à ce jeu-là, finalement. C'est ça. Pibrac qui faisait aussi pas mal de fautes, faut dire, à la fois aujourd'hui, à la fois la dernière fois qu'on les a vus, il y a un mois et demi, qui faisait pas mal de fautes, et du coup, ben, forcément, si on fait beaucoup de fautes, on est souvent en prison. Et après, elles font des tours pour faire sortir le prison. Mais ouais, bon. Ouais. Mais sauf que ça leur coûtait cher. Ben, c'est un peu contre-productif, sachant que faire ça les faisait aussi en prison. Bon. Ouais. Les Porcelain Dolls sont à 124. Le Sambé est à 89 points. Les arbitres font une petite pause avec les coachs et les capitaines pour revoir ça. Pour revoir ça. Ça voudrait dire pour voir ça. Ouais, pour, je sais pas, pour faire un point. Pour faire un petit point, voilà. Ouais, un petit point, sûr. C'est possible qu'ils trouvent une des équipes un peu trop agressive. Ouais, je sais encore pas. Encore qu'en vrai, bon, le Sambé va plus en prison que d'autres, que l'autre équipe, c'est vrai. Mais en vrai, elles sont pas si agressives que ça. Elles font beaucoup de fautes, mais elles sont pas très agressives. J'ai déjà vu d'autres équipes au cours du championnat être plus agressives, aller plus en prison. Et pour le coup, être vraiment trop agressives. C'était pas juste des fautes de placement, etc. C'était vraiment agressif. Et là, c'était pour ça qu'elles allaient beaucoup en prison. Là, j'ai pas l'impression que ce soit tant agressif que ça. C'est juste qu'il y a quand même pas mal de fautes. Mais après, je sais pas du tout si c'est pour ça que les arbitres et les équipes font un point. C'est peut-être complètement pour autre chose. Pour mettre les points sur les i, comme on dit. Il faudrait équiper tous les arbitres, histoire qu'on sache. De quoi ? Il faudrait équiper les arbitres du micro, histoire qu'on sache. Ça serait bien, oui. Ouais. Mais c'est autrement notre bordel d'installation. Alors ça. Porcelain Dolls en 124 points, le Sambé à 89, ça fait combien ? 30, 34, 35 points d'écart. 35 points d'écart, tout à l'heure c'était à peu près ça aussi. Hein. Au max on était à 35 points. Ouais. 6-7 minutes c'était déjà ça, ça veut dire que ça se maintient. Et avant la fin de la première période, que le petit rattrapage de Sambé, c'était ça aussi, à peu près 35 points d'écart. Donc, c'était un peu moins, je crois que c'était plus 20, 22, 23, je crois. En cours de match, d'accord, oui. Quand ils étaient à leur meilleur, c'était à peu près ça l'écart. Avant qu'elle se fasse rattraper sur la fin de match. Les Porcelain Dolls se maintiennent très très bien. Il me semble que c'est Machine contre Sugar Rush cette fois-ci. Sugar Rush, je rappelle. Elle a le visage crispé. Fermé. Crispé par la... Je vais pas dire la haine, c'est pas la haine, par la détermination. Elle est en mode berserker. Elle est en Terminator, elle casse tout ce qui est devant elle. Voilà. On a combien là, 20 secondes, elle a déjà 4 points. 4 points, voilà. En face, Machine est toujours pas passée, je crois. Non, toujours pas, ça Machine bloque. Machine qui pourtant est une de celles qui sort le plus, il me semble. Et hop, 8 points. 8 points pour le Sambé, voilà. Ouais. Et donc, Machine qui n'arrive pas. Machine qui tente un star pass. Ça y est, elle passe. Et non, elle a fait un très beau star pass. Elle a fait semblant de donner l'étoile et elle a finalement gardé. Et elle a gardé. Ouais, mais alors, Sugar Rush, elle est passée, mais alors, comme une lettre. Waouh, Sugar Rush, elle est vénère. Ah ouais. Sugar Rush, elle est méga vénère, 12 points. 12 points, oh en là quoi là. Méga vénère, Sugar Rush. Son dernier passage, elle a fait un demi-tour, elle a fini deux dos Sugar sur Rush. Une jambe, l'autre jambe tendue. Si elle continue à déterminer comme ça, ça va devenir un sacré danger pour les Porcelain Dolls. Ouais. Parce que. Mais bon, elle toute seule, elle pourra pas tout faire. Mais 12 points en une minute, quelque chose comme ça. Ouais. Elle est dangereuse. Ouais. Elle a l'air particulièrement déterminée. Ouais, c'est clair. On va voir ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes et 10 dernières minutes du match. Et ça passe pour Voxel Desambé qui prend le lead. Alors est-ce qu'on a droit à un retournement de situation? Elle fait un signal, je sais pas. Et ça passe King, pour Missiolona. Missiolona, oui. Voilà, Voxel qui est bloqué. L'intérieur, ils vont pas la laisser passer. Elle colle. Elle colle et je trouve, alors je sais pas si c'est... Tard. Non, pas tard, pas elle tard. Je trouve que le sifflet vient très longtemps après le moment où elle colle. La réaction entre le col et le exactement. Sifflet est un peu longue, d'accord. Exactement. Et si en plus c'est comptabilisé au troisième sifflet, forcément, ouais. Regarde, les Porcelain Dolls ont mis un point alors qu'il y avait quoi, un quart de track entre le moment où elle a fait le signe et le moment où ça s'est vraiment arrêté. Ouais. Ou au moment où elle a réussi à avoir ce point. Donc tu vois, finalement, faut vraiment prendre de l'avance quand on veut coller pour être sûr que. Aïe, machine qui tombe du côté Porcelain Dolls, éternelle flamme. Ouais, on part pour un nouveau track. Qui ne passe pas. Ouais. Un nouveau jump, oui, effectivement. Un nouveau jump, pardon, parce que le jump précédent s'est terminé avec 2-1 pour Sambé. C'est ça. Moins de 10 minutes. Et ça passe machine. Pour Machine qui prend le lead sur ce nouveau jump. En face, c'est toujours pas passé. Il y a une bloqueuse blanche en prison. Ah, et un star pass. Un star pass réussi. Donc, je pense qu'on va partir sur un boom track si Machine y arrive. Elle se relève. Non, voilà. Voilà, ça aussi, Limoges ne prend pas de risque. Vraiment, elle est par terre. En vrai, il y a des équipes qui auraient pris le risque de se relever et de retenter. Là, elle l'a vu arriver au loin. Ouais. Même au loin, elle ne fera pas le risque. Ouais, non. Parce que là, elle est du coin. Pas de point du tout ? Non, mais pas un petit point. Non. Ah, je pensais qu'elle allait quand même passer une joueuse adverse ou deux. Ah, si, un. Si, ah, si, un point, ouais, il me semblait quand même. Un point pour les porcelaines, ouais. Un point pour les porcelaines d'Ols, il me semblait bien. Ouais. 126 à 103, on est donc sur 23 points d'écart. C'est ça. 23 points d'écart, un peu plus de 8 minutes de la fin du match. Les Porcelain Dolls ont un coup à jouer. Les Porcelain Dolls ont vraiment un coup à jouer. Ouais. Ça serait inattendu et très très beau de voir ça aujourd'hui. Ouais, une sacrée surprise. Et elles nous auront fait mentir. Ouais. Avec plaisir. avec plaisir, parce que c'était un régal. Et ça passe pour Rikiki qui c'est prend Rikiki, le lead pour les Porcelain Dolls. Multipass qui se fait recycler. Voilà. On rappelle pourtant là, que les Porcelain Dolls sont 6e au classement, le Sam 3 3e au classement. Pourtant, c'est bien les Porcelain Dolls qui sont devant. Porcelain Dolls qui jouent le deuxième match de la journée. En plus, ouais. Et qui ont bien géré ça apparemment. Hein, parce que c'est vrai, je te disais au début du match que effectivement, les jammeuses que je voyais chez les Porcelain Dolls n'étaient pas les mêmes que sur le premier match. Donc, elles ont fait tourner les jammeuses. En tout cas, voilà, stratégiquement, c'est nickel. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Et là, ça joue bien. Alors là, et si elles perdent maintenant, elles auront certainement fait un des plus beaux matchs du week-end. Ah ouais, là, pour être fier d'elles, quoi. Mais là, franchement, pour l'instant, j'ai vu un très beau recyclage en fin de. La fatigue, rare ça. Rikiki, ouais. Qui n'en peut plus. Rikiki qui a le lead, je rappelle. Ouais, qui a le lead. En face, il y a. Ah oui, ben, elle est en prison là. Elle est en power jam. Elle est en prison là. Mais Rikiki est trop fatigué. Le Sambé défend trop bien. Ouais. Elle n'arrive pas à passer, malheureusement. Il suffirait qu'elle mette que 4 petits points au moins, histoire de. Pourtant, elles sont que. Ah, il me semble que. Elles sont plus que 3 de Sambé sur le track. Et ça, elle est passée. Elle est passée, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, elle s'est fait siffler. Et elle part en prison. Aïe. Ça, c'est une erreur qui peut coûter et cher. La jammeuse de. C'est une erreur qui peut coûter cher. Retour sur le track. Parce que fatiguée comme ça, elle aurait peut-être dû faire appel, prendre 2 ou 3 points et recommencer le jam suivant en power jam. Ah, c'est dommage que Rikiki est épuisé comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Cela dit, en face, multipass met du temps à se relever aussi. Et les rôtis, et je crois que J'espère que est-ce que c'est blessé, c'est possible qu'elle soit blessée. Les médecins là, est-ce qu'elle s'est blessée ou est-ce que c'est seulement la fatigue? Ouais. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Peut-être la fatigue musculaire aussi qui lui fait se rendre compte de quelques fatigues. Voilà, il y a eu un geste de la part d'une arbitre vers le tableau des arbitrages. Je sais pas trop ce que ça voulait dire. 4 points pour les Porcelain Dolls en tout cas sur ce jam. Ouais, bien. 130 à 103. 6 minutes restantes. 27 points d'avance. Ça va, si les Porcelain Dolls gagnent, ça va être dur pour le Sambé. Ah ouais, Sambé qui était déjà dépité d'avoir perdu contre les Valiantes, parce que c'est vrai que les Valiantes, c'est une équipe qui a explosé en 2 ans, qui n'était pas une grosse équipe il y a encore 2 ans et qui finit vraiment par faire peur aujourd'hui. Le Sambé ne s'attendait pas à se faire battre par les Valiantes. C'est arrivé. Le Sambé menait tout le match contre Pibrac la dernière fois. Jusqu'aux 2 derniers jams, ouais, où elles avaient 30 points d'avance et elles ont quand même perdu. Elles étaient dépitées. Si là elles perdent contre Limoges qui sont 6e alors qu'elles sont 3e, ça va faire du très très mal au moral, ça. Ouais, mais peut-être que Limoges a fait de la montée en puissance aussi depuis un mois et demi, les entraînements et peut-être, tout ça. Peut-être. Vraiment, c'est un seul niveau. Voilà. Sugar Rush qui revient. Sugar Rush, elle vient de dégommer. Elle s'est fait un passage. Sugar Rush, elle a pas envie de perdre. Elle va tout donner pour ne pas perdre. Elle a mis 2 bloqués sur le cul. 27 points d'écart. Et hop, voilà, rebelote. Elle était à deux doigts de sortir. L'arbitre était juste à côté, elle a dit non, c'est bon, elle passe. Ouais. Sugar Rush, elle est très très dangereuse. 4 points déjà en 20 secondes. Elle a des appuis incroyables, franchement. Ça avait fini sur les joues, mais elle gère. Ils sont à 4 sur elle. Dans les gradins, ça encourage. Ah ouais, mais la Sugar Rush, elle est particulièrement dangereuse. Ouais. Incroyable. Je crois que leur but, c'est pas tant de passer que juste d'empêcher Sugar Rush de passer sur ce jam là. Évidemment, Ricky qui est de son côté fait ce qu'elle peut, mais c'est compliqué. C'est compliqué quand tous les autres sont un assist de. Et ça finit par passer à l'usure. Déterminé. Elle a choré. Sugar Rush à 8 points. Rikiki n'a pas fait son passage initial, je crois. Non, elle tente un star pass. Ça passe pas. Et Sugar Rush est de retour dans le pack. Elle a fait son tour. Pour les 12 points, éventuellement. Sugar Rush qui fatigue. Ça y est, elle fatigue. J'y croyais plus. Je pensais qu'elle était inarrêtable cette Sugar Rush. En fait, elle a fait la pause Kikat. Ah, ça y est, c'est fait recycler, elle colle. Je pense qu'elle met 2-3 points de plus. On était à 8 et il y a 3 points de plus. On est à 11-0. 130. Ça fait 2 jumps qu'elle nous fait à 11-12 points. Ah ouais, non, mais elle est très dangereuse. Elle est très très déterminée sur cette fin de match. Ouais. Elle a vraiment pas envie de perdre. Elle est dangereuse. Attention, encore 2 jumps comme ça et le Sam passe devant. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et pour Sandal, ça va falloir. C'est pas le moment de lâcher. Il reste 4 minutes. C'est pas le moment de se laisser aller. Au contraire, c'est le moment de justement granger des petits points par-ci par-là. 4 points à gauche, 4 points à droite. Histoire d'encore enfoncer un petit peu le clou face au Sam qui était les favoris du match. Mm. 130 à 114 en un jam. En un jam, ça change tout ça. 4 hein. Tours. Alors, ça sera un beau jam, mais un seul jam, c'est faisable. Voilà, sachant que les Porcelain Dolls vont démarrer ce jam avec une bloqueuse en prison. Ouais. Il y a un team timeout, c'est-à-dire qu'un temps mort pour les Porcelain Dolls, ça demande des Porcelain Dolls. Voilà, est-ce qu'elles sont en train de revoir leur stratégie. Leur stratégie, c'est le moment d'enfoncer le clou pour les Porcelain Dolls. 4 minutes à tenir. 4 minutes, c'est jouable à tenir. C'est jouable. Heureusement qu'elles n'ont pas une Sugar Rush à chaque jam. C'est clair. Pour permettre de remonter. C'est clair. Au score, mais c'est faisable. Elle peut faire une belle surprise. Elle peut faire une belle surprise. Le Sambé, cela dit, est loin d'avoir perdu pour l'instant. Même s'il reste seulement 4 minutes. 4 minutes, ça peut être très très lent. Comme ça peut être très très court. Ouais, c'est clair. Attention, voilà, ça va pas jouer à grand chose. Allez, je crois que ça va pas tarder à reprendre. Ah non, mais là, du coup, maintenant, c'est les arbitres maintenant qui font un official timeout, qui font une petite réunion entre arbitres. Parce que là, ils sentent bien qu'il y a de la tension. Ils sentent bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc, allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Nous avons une joueuse de chaque équipe en prison. 4 contre 4, donc. Ah, les deux James qui se jaugent, qui se regardent. D'où est-ce que tu commences, toi et toi, d'où est-ce que tu commences? Parce qu'évidemment, plus on commence en arrière, plus on prend de l'élan. Ouais, ouais. Ah, il y a du bluff aussi. C'est parti. Voxel du côté du Sambé, Maglific du côté Porcelain Dolls. Maglific qui a pas beaucoup joué, je crois. Hein. Alors, Voxel s'est fait recycler. Maglific qui prend lead et Porcelain Dolls exulte. Mais attention, c'est pas gagné encore. C'est très très loin d'être gagné même. Maglific qui passe, Voxel qui se fait recycler. Oh là là, les Porcelain Dolls jusqu'au bout. Hein. J'espère jusqu'au bout qu'elles vont garder ce niveau de jeu. Ouh, chute, grosse chute là. Heureusement qu'elles ont le casque. Tout le monde est tombé. Et hop. Tout est tombé, mais la jameuse Maglific serait l'aventure et passe. 4 premiers points. Pour les Porcelain Dolls. Voxel n'est toujours pas passé, on est d'accord? Non, toujours pas. Toujours pas, donc elle a encore un peu de marge. Toujours pas, et ça y est, ça passe en star pass, faux star pass. Maglific, est-ce qu'elle aura le temps de. Elle remet 4 points. 4 voilà. points, 8 points, 0. Elle colle pas? Pourquoi elle colle pas? Je sais pas. Parce qu'en face. Elle est pas sortie là? Moi je croyais qu'elle était sortie. Ouais, elle est sortie pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, elle est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle part en prison. La jameuse de Sambé part en prison. Donc on est sur un jam. Alors là, c'est le moment d'enfoncer le clou. La Porcelain Dolls, vas-y, envoie. C'est le moment d'enfoncer le clou. Vas-y, tourne. Et de. Allez. Elle a le sourire, elle a le sourire. Elle sait que c'est le moment. Elle est un jam à 12, c'est un jam où elle peut faire facilement. Elle sait que c'est le moment d'enfoncer 16, le clou. 20 points. 16, et voilà, 16. Points. Voilà. Vas-y, continue. Ça se bouscule, ça tombe. Ça tombe. Voilà. Elle demande de l'aide au public pour l'encourager. 2 minutes 30, il reste sur ce match. 16 points. 16 points. Sur ce seul jam, 16 points. Et voilà, allez, 20 points. Points. Ah, vas-y, très bien. Allez, c'est sifflé. Voilà, le voilà. Jam, 20 points. 150 à 114. Aïe, est-ce que c'est le dernier clou sur la tombe, sur le cercueil du Sambé? Ça y ressemble en tout cas. Il n'y a que 36 points d'écart. Il n'y a que 36 points d'écart. Il faudrait deux beaux jams pour faire ça. Il y aura le temps pour quoi? on va dire. Ah, médecine. Il y aura le temps pour 2, 3, 4 jams peut-être. On a une médecine, en fait. Ouais, une joueuse du Sambé, il me semble, qui a l'air blessée. Il reste 2 minutes 11, ça laisse le temps, on va dire. Allez, pour 4 jams maximum. Même pas. 4 jams maximum, vraiment maximum. Si les jams sont 4. Courts. Pourquoi pas? Ouais, très court, mais. 4 jams maximum. Si c'est du jam 2. Qui engrange du point, ça va être. Il y a 2 jams max. Il y a 2 jams sûrs, puisqu'un jam va jusqu'à 2 minutes maximum. Là, on a 2 minutes 11 restant au compteur. Je dirais. Bon, je parierais sur 3 jams, tu vois. Ouais? Ouais, les 3 jams. Ok, bon, on va voir ça. Alors, 3 jams. Est-ce qu'il y a des prisonniers, des prisonnières? Il me semble qu'il y a une joueuse du Sam, mais il y a les autres joueuses devant. Je n'arrive pas à voir, je pense voir qui c'est. Et ouais. Je ne pense pas que ce soit la jameuse. Je ne crois pas. Non, c'est une bloqueuse. Ah si, il y a la jameuse. Il y a la jameuse. Il y a la jameuse qui a quelques secondes de sortir, mais peut-être juste assez pour laisser aux Porcelain Dolls l'occasion de prendre le lead. Ouais. Et si elles prennent le lead là et qu'elles engrangent à peine. En fait, ils n'ont même pas besoin d'engranger des points. Elles ont juste besoin d'empêcher les autres d'en mettre. C'est ça. Donc juste d'avoir un poil d'avance et de tenir le plus longtemps possible pour faire peut-être une minute, peut-être 2 minutes. Et si elles arrivent à faire ça, c'est un peu dans la poche. Ouais, carrément. Les Porcelain Dolls sont à 150 points. Le Sambé est à 114 points. Pourquoi est-ce qu'on est aussi excité comme ça? C'est parce que le Sambé était donné gagnant. Troisième au classement contre les Porcelain Dolls qui étaient sixième au classement. Pourtant, c'est les Porcelain Dolls qui ont 36 points d'avance. Matine, je vais noter un truc. Dis-moi. Sugar Rush, la jameuse de Sambé qui a marqué plein de points, c'est sur les derniers jams. Ouais. Là, est pivot. Elle est pivot, effectivement. Ça sent le Star Pass à plein nez. Ah oui, certainement. Certainement, parce que la jameuse est en prison. La jameuse est en prison. Et celle la jameuse qui va en prison reste la même jameuse qui revient après. Elles n'ont pas le droit de changer de jameuse en prison. Voilà. Et du coup. Donc c'est Sugar Rush qui va certainement récupérer pour essayer d'engranger. Et c'est pour ça qu'elle est pivot sur ce jeu-là. C'est ça. C'est bien vu. C'est bien vu, Seb. C'est certainement ce que Sambé va essayer de faire. Ah, mais à peine rentré, je pense que ça va être Star Pass. Et puis Sugar Rush, elle va partir en mode déter comme l'a fait sur les derniers jams. Ouais. Enfin, si et seulement si les Porcelain Dolls sont déjà passés, parce que sinon ça veut dire que c'est-à-dire qu'elles vont perdre le lead instantanément si elles font ça tout de suite. Peut-être que c'est une option qu'elles se gardent, parce qu'effectivement quand on démarre en star en power jam, on a beaucoup plus de chances de gagner le lead que l'inverse. Donc elles se laissent cette option là. Cela dit, peut-être que Machine, parce qu'il me semble que ces machines va complètement être bloquée. Oui, c'est une machine, il me semble que celle des Porcelain Dolls qui sort le plus. Oui, elle passait très bien, ouais. Il me semble donc. Elle est stellar, passait très bien, ouais. Ouais. Donc on va voir. 150 à 114, 36 points d'écart, il reste 2 minutes 11 secondes sur ce match. Machine qui est partie. Et c'est parti, la jameuse blanche rentre sur le terrain. Ouais, elle revient, elle revient. Et ça passe pour Machine qui prend le lead. Ça passe Machine qui demande si elle colle ou pas. Ouais, elle prend le lead. Là, Star Pass, tu vois, je te l'avais dit. Star Pass, oui. C'est fait. Et alors, voilà. Sûr, Sugar Rush qui est passé déter en mode. Déter. Machine. Et 4 points pour Machine et qui colle bien. Qui colle, effectivement. Parce qu'elle sait qu'en face, elle est dangereuse. Ouais. Elle le sait très bien que ce Sugar Rush va pas se laisser faire comme ça. 1 minute 35 sur le compteur. Est-ce qu'on est sur le tout dernier jam? Peut-être. Mais 154 à 114, on a 40 points d'écart. En un seul jam, c'est pas possible. Hein. On n'a jamais vu ça. Je crois que même le record du monde, je suis pas sûr qu'il dépasse les 40. Je crois que c'est 36, quelque chose comme ça. Ah ouais? Le record du monde. D'accord. Ouais, non, là, ça va être compliqué. Donc là, ça va être très très compliqué pour Sambé. Le Sam, c'est Multipass, je crois. Oui, c'est Multipass, Multipass. Qui prend le lead, qui va tenter au moins de réduire cet écart. En face, ça passe aussi pour les Porcelain Dolls qui vont essayer d'engranger des points pour réduire l'écart éventuel que va mettre Multipass. Multipass s'est fait recycler. Ou au moins l'obliger à. Et elle est passée. Au moins l'obliger à coller. 4 points pour Multipass. Et elle colle. On part sur le dernier jam, je pense. Sur les jams, il reste 43 secondes. Et je pense qu'elles veulent mettre un jam sur Sugar Rush. Sugar Rush, ouais, pour essayer de essayer de faire un petit dernier coup. Et je me trompe pas, qui c'est qui rentre là? Ouais, c'est Sugar Rush. Ça c'est Rikiki en face. Je sais pas, je vois pas d'ici. Numéro 66. C'est Queen of Spades. Quoi? On l'a jamais vu Queen of Spades? Non. Ah bah écoute, peut-être que c'est une nouvelle. Ils se sont dit, tu vois, à la fin, on tente, hein. pour finir, ouais. à moins que Sugarrush réussisse à mettre combien 40 points. Ouais. Mais j'en doute. Ça va être compliqué. Même s'il est déter et évidemment c'est elle qui prend le lead. Et les déter. Cela dit, en face, Queen of Spades a l'air de pas mal se débrouiller non plus. Et elle passe. Elle passe aussi. Voilà. Alors, ça y est, c'est l'affaire. Oh, on s'est fait recycler Sugar Rush propre. Le temps est arrivé à sa fin, donc fin de ce jam. Ça sera une victoire. Est-ce que c'est une victoire? C'est une victoire des Porcelain Dogs. C'est une victoire des Porcelain Dogs, c'est tout à fait abusément incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Félicitations. Joli. J'applaudis même. Ah ouais, voilà. bravo les Porcelain Dogs qui ont vraiment fait un match incroyable. J'y croyais pas. Je les ai vus exploser en première mi-temps, faire une très belle première mi-temps. Je me suis dit, elles vont pas réussir à tenir la longueur. Ah ouais, elles ont tenu la longueur. Vraiment très très très très impressionnant de la part des Porcelain Dolls. Gros coup dur encore une fois pour le Sambé qui décidément c'est pas leur saison. Hein. Ouais. C'est pas leur saison au Sambé. Très très bien joué en tout cas de la part des Porcelain Dolls qui ont vraiment gardé leur sang-froid jusqu'au bout. Très grosse surprise, très belle très, surprise. Très grosse surprise, très bien. 156 pour l'instant 156 à 121, ça fait combien ça? J'ai pas eu le match de ce matin, mais pour l'instant c'est le meilleur match que j'ai vu. 36, oula, j'arrive plus à compter. Eh ben mon poulet, ça 36 va plus 9, 35. Je sais plus compter. 35 points d'avance pour les Porcelain Dolls. Eh ben écoute, moi j'ai adoré ce match. Ah ouais. C'était super cool. Ah oui, ça m'a réveillé et tout là, ça. Excellent. Très très bien. Et du coup. On attend ce qu'on officie. En attendant, on peut vous dire qu'il y a un dernier match aujourd'hui. Ça va être les Harpy Breakers qu'on a déjà vu avec toi Seb à 13h, qui vont jouer à 19h45 contre les Valiant Beaches, l'équipe haute du championnat de ce week-end d'Anglet. Donc on attend les résultats finaux. L'équipe haute ou l'équipe haute? L'équipe, les deux. Les deux. Les deux. Ah ouais, les deux. Bah attends. 156 à 121, grosse surprise des Porcelain Dolls. Gros félicitations. Je pense qu'elles vont pouvoir fêter ça ce soir. Ah ouais. Pas trop parce que demain elles ont un match encore, je crois. Donc voilà, bravo. Gros bravo aux Porcelain Dolls qu'on donne les perdantes et qui gagnent avec 30 points d'avance, 35 points d'avance, 35 points. C'est leur score, leur meilleur écart de tout le match, et elles ont fini avec cet écart-là. Quoi. Très joli, bravo. Cela dit, Sambé n'a pas démérité non plus. Elles ont fait un très beau match, mais voilà, les Porcelain Dolls ont vraiment été étonnantes. Et solides en fait. Très solides, très constantes. Ouais. Voilà. Vraiment tout ce qu'on attendait quoi. Ouais, c'est clair. Ou tout ce qu'on attendait pas d'ailleurs. Ouais. Moi je m'y attendais pas. Ah non du tout, moi je pensais Sambé ça allait dérouler tranquille. Exactement. Et puis belle surprise finalement, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Bon Seb, on va rendre l'antenne. On se retrouve à 19h45 pour le dernier match de la journée, mais pas du week-end. Ça va être les Harpy Breakers de Pibra contre les Valiant Beaches d'Anglet à 19h45. Nous on prend l'antenne à peu près 5 minutes avant. A tout à l'heure Seb. A tout à l'heure.